Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous plutôt rock, punk, musiques expérimentales. Aujourd'hui, le fil rouge, ça va être Blast, un super groupe, s'écrit BL apostrophe AST, groupe punk hardcore du milieu des années 80, qui avait fait deux bons albums, puis avait complètement disparu. Et puis, miracle, Dave Grohl, des Foo Fighters, Nirvana et Nick Olivieri, que l'on connaît aussi dans Queens of the Stone Age, ont ressuscité le groupe. Nick passant à la basse et Dave Grohl à la production. Et ils nous ont ressorti donc des versions remasterisées, remixées, des anciens albums, des nouveaux morceaux. Et donc c'est le fil rouge d'aujourd'hui, une émission plutôt punk rock à l'ancienne. Et c'est parti! Thank you. Les éducateurs de rue rappellent le psychologue Yann Leroux, réagissant avec enthousiasme aux propos de Dana Boyd, joue un rôle de prévention en tentant de modifier les trajectoires d'isolement et en travaillant à la reconstruction du lien social. Puisque nos vies se passent de plus en plus en ligne, il serait sans doute fructueux de développer des actions éducatives en ligne. Une telle action éducative pourrait toucher facilement les adolescents en rendant disponible en ligne la présence d'un adulte qui rappellerait les règles essentielles du rapport à l'autre et à soi-même. Il pourrait être une médiation efficace auprès des administrateurs d'un réseau social dans les cas de harcèlement. Comme dans le monde hors ligne, son travail serait basé sur la libre adhésion et le respect de l'anonymat. C'est un travail qui est à distinguer du travail de modérateur qui existe sur les forums et les réseaux sociaux. L'éducateur n'a pas ici techniquement de pouvoir de modération. Il peut être un tiers dans une dispute enflammée, mais aussi un autre à qui parler. Your side, open your eyes. What we can do is live. side, why do you live? Push it aside, open your eyes. What you do is real. Open your mind, allow yourself to feel. So you can accept it, just hold yourself back. Always laugh, clear, open, I just look at you. You got simple light, you know you'll never see. Yeah. Une communauté de destins fantaisistes nous a fait arriver ici à peu près en même temps. Everything is perfect. I know that's a lie. I can't handle what I see. Sometimes I don't die. Feeling stress inside my head. So many problems. I'd rather be dead. Thoughts are predictable. Everything's the same. To make the future right for me, I have to make things change. The skins, God, our sin, and rule the streets. We're in our brothers. Vous avez un taux de suicide très impressionnant. Merci. Non, je ne crois pas que vous ayez compris ce que j'ai dit. J'étais... Non, j'ai dit que vous avez un taux de suicide très impressionnant. En Amérique, il n'y a pas de taux de suicide? En Amérique, il y a une explosion de vitalité qui envahit le monde entier. Vous exportez beaucoup de cow-boys. Ah oui, ça, on peut le dire comme ça. Vous exportez beaucoup de cow-boys, oui. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment besoin d'une atmosphère de vitalité autour de moi.

Monsieur Palomar voit poindre une vague au loin, grandir, s'approcher, changer de forme et de couleur, s'enrouler sur elle-même, se briser, s'évanouir, refluer. À ce stade, il pourrait se convaincre qu'il a mené à bien l'opération qu'il s'était proposée et s'en aller. Sauf qu'isoler une vague en la séparant de la vague qui lui fait suite, immédiatement et paraît la pousser, et parfois la rejoint et submerge, voilà qui est fort difficile. De même que la séparer de la vague qui la précède et qui semble la traîner derrière elle vers le rivage, quitte ensuite à se retourner contre elle comme pour la stopper. Si l'on considère d'autre part chaque vague dans le sens de la largeur, parallèlement à la côte, il est difficile d'établir jusqu'où le front qui avance et s'étend sans discontinuer et où il se sépare et se segmente en vagues indépendantes, distinctes quant à leur vitesse, forme, force, direction. Yeah. Comment sont calculées les tournées aujourd'hui à La Poste ? La Poste attribue une durée théorique à chaque tournée afin d'identifier celles qui peuvent être supprimées et redessiner les autres qui seront maintenues mais rallongées. Pour cela, elle n'utilise plus le chronométrage mais des algorithmes. Celui qui en a la charge et qu'on appelle désormais organisateur travaille dans un bureau sur son ordinateur. C'est désormais un logiciel qui lui dicte quoi faire en fonction de l'environnement géographique et du nombre de boîtes, du niveau de trafic, et en appliquant à tout cela des cadences qui sont les mêmes pour tout le territoire. Somewhere there's a mine lurking, waiting to strike. Somewhere there's a mine that will destroy all life. In the line, in the line, in the line, in the line. Why I care Léa a développé des kits baptisés Lilipad, comprenant des capteurs à coudre ou à thermocoller, du fil conducteur, des accéléromètres, des LED, etc. Commercialisé par SparkFun, qui a déjà vendu 20 000 pièces, qui permettent de coudre de l'électronique dans les vêtements afin que chacun conçoive ses propres technologies pour répondre à ses propres besoins. Elle a ainsi conçu une veste avec des flèches lumineuses dans le dos, lui permettant d'indiquer la direction qu'elle compte prendre quand elle fait du vélo, des bonnets lumineux ou des t-shirts qui changent de couleur selon la vitesse à laquelle vous bougez. Personal freedom, my own shit. Léa travaille à mettre sur pied des kits similaires, mais en peinture. C'est un kit informatique pour le papier, explique-t-elle, Quelles interfaces pourrions-nous construire si l'on pouvait esquisser leur système fonctionnel directement sur le papier ? À quoi ressembleraient les circuits s'ils étaient peints ou gravés plutôt qu'usinés ? À l'aide de peintures électroconductrices, Léa travaille à créer de l'informatique à partir d'encre et de papier. À voir les premières images sur Flickr, on a hâte d'en savoir plus sur ce projet. Friends, this is the end. No!

Si toute chose devenait fumée, on connaîtrait avec les narines. Ce qui est contraire est utile et c'est de ce qui est en lutte que naît la plus belle harmonie. Tout se fait par discorde. Thank you. Sans l'espérance, on ne trouvera pas l'inespéré qui est introuvable et inaccessible. Mort, c'est tout ce que nous voyons éveillé. Songe, ce que nous voyons en dormant. We'll be right back. S'il n'y avait pas d'injustice, on ignorerait jusqu'au nom de la justice. We're not asleep. Is this it? Is that it? I think so. Ce qui attend les hommes après la mort, ce n'est ni ce qu'ils espèrent, ni ce qu'ils croient. Tragic story, don't let it happen to you.